sur le côté paternel, côté maternel. Vous voyez le concept des frères ici. Quand quelqu'un dit « Je suis votre os, je suis votre chair », il veut dire que moi, je suis réellement votre frère parce que ma mère est issue de vous. Ça ne doit pas exister dans notre monde moderne aujourd'hui. C'est dépassé. C'est servir des fibres ethniques, des fibres tribales. Dans l'église, on n'a plus besoin, par exemple, de demander « Toi, tu es de quelle ethnie? Toi, tu es de quel côté ?» Non ! La Bible déclare qu'en Jésus-Christ, il n'y a ni juif ni grec. La notion de la fraternité, selon la Bible, « Mon frère, c'est celui-là qui confesse la foi en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. » Car la Bible dit dans Jean 1, verset 12, « À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, la parole qui est Jésus, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » Comment se fait-il que, quand il y a élection même dans l'église, les gens vont dire « Oui, celui-ci est de l'Est, celui-ci est de l'Ouest, celui-là est de telle ethnie. » Ça fait honte que nous puissions utiliser ces choses-là. Et écoutez la réaction de ses frères. Le verset 3 dit, « Les frères de sa mère répétèrent pour lui toutes ces paroles aux oreilles de tous les habitants de Sichem, et leur cœur inclinant en faveur d'Abimélec, car il se disait, c'est notre frère. » Vous voyez, quand on joue sur la fibre ethnique, on ne se pose pas la question, est-ce qu'il est compétent? Non, on voit, c'est notre frère, il est de notre village, il est de notre région, il est de notre pays, de telle nationalité. Vous voyez, ça, ce n'est pas important. C'est l'erreur que beaucoup de leaders commettent. Et c'est l'erreur qu'Abimélec a commise. Deuxième erreur à éviter, c'est de faire un mauvais usage de l'argent. Vous savez, l'argent, c'est une bonne chose. Nous en avons besoin pour faire l'œuvre de Dieu, pour soutenir, aider les pauvres. Mais lorsque nous utilisons l'argent à des fins qui ne glorifie pas Dieu, l'argent devient dangereux. Lorsque tu es leader, tu peux avoir la grâce d'avoir l'argent, peut-être de gérer des millions, des milliards, mais fais attention de la manière dont tu gères l'argent. N'utilise pas l'argent pour détruire les autres. N'utilise pas l'argent pour la corruption. Regardez ce que Abimélec a fait. Il est dit au verset 4, « Et ils lui donnèrent 70 sicles d'argent qu'ils enlevèrent de la maison de Baal-Bérite. » Abimélec s'en servit pour acheter des misérables et des turbulents qui allèrent après lui. Vous voyez? Donc, c'est l'équivalent aujourd'hui d'acheter des mercenaires. Parce qu'il voulait avoir le pouvoir au prix du sang. Il va donc prendre l'argent pour acheter des turbulents. Donc, c'est comme l'équivalent en Côte d'Ivoire, ce qu'on appelle des loubards, des bandits. C'est comme ce qu'on appelle sous autre pied des chéguets ou des enfants de la rue. Vous voyez, des turbulents. Il va utiliser l'argent pour acheter ces jeunes gens de vauriens pour chercher à accéder au pouvoir et tuer les autres. Vous voyez, ça, ce sont les erreurs que nous devons éviter, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons savoir qu'il y a un Dieu qui est merveilleux. Lorsque Dieu te donne l'argent, cet argent doit être pour sa gloire. Ne te sers pas de l'argent pour la corruption, pour le clientélisme, pour faire du mal, pour acheter les autres. Non, mais utilise l'argent pour le bien du peuple. Utilise l'argent pour la gloire du Créateur à qui appartiennent l'or et l'argent. Troisième erreur à éviter, c'est éviter l'assassinat et le meurtre. Vous voyez, en tant que leader, si tu veux accéder au pouvoir à quelque niveau que ce soit, par le meurtre, par l'assassinat, ce n'est pas bon aux yeux de Dieu. La Bible dit, tu ne tueras point. Tuer, ce n'est pas seulement avec les coups de machette, avec les armes blanches, avec les armes à feu. Mais tuer, c'est aussi entretenir la haine dans le cœur. Chercher à détruire, calomnier quelqu'un, à détruire la réputation de quelqu'un, c'est aussi tuer. C'est pourquoi Jésus va dire, celui qui est son frère, c'est un meurtrier. Vous voyez? Écoutez ce que Abimélec a fait. Il est dit au verset 5, il vint dans la maison de son père à Ophra et il tua ses frères, fils de Jérubal, 70 hommes sur une même pierre. Il n'échappa que Jotham, le plus jeune fils de Jérubal, car il s'était échappé. Vous voyez comment Abimélec va chercher à accéder au pouvoir. Il va tuer 70 hommes, les fils de son père. Quelle méchanceté! Il était rempli de haine, rempli de colère, rempli de meurtre. Il était meurtrier. Oui, ceci nous rappelle l'esprit de Caïn. Caïn qui a tué son frère Abel, bien-aimé dans le Seigneur. L'Éternel nous interdit de tuer les autres. Lorsque je veux être choisi, même au niveau de l'Église, comme président de l'Église, je ne dois pas chercher à détruire les autres. Je ne dois pas chercher à commettre le mal aux autres. Lorsque même je vais être élu à quelque niveau, que ce soit, la Bible nous interdit le meurtre. Nous devons chercher à faire du bien aux autres. Nous devons manifester de l'amour aux autres. Abimelech n'a pas bien agi. Ce sont des erreurs que nous devons éviter. Pour que moi je puisse accéder au pouvoir, pour que je sois élu comme chef, comme président, je n'ai pas besoin de détruire les autres. Non. Que le Seigneur nous préserve de ces choses et qu'il nous aide à marcher selon ce qu'il veut et accomplir sa volonté. Au nom de Jésus-Christ, je voudrais que nous puissions le louer en chantant ces cantiques. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, oh mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom, rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Rien n'est plus beau que ton nom, rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton saint nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Je veux porter et laver à ta croix les pensées de mon cœur dans le cœur de tes voix. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom, rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Rien n'est plus beau que ton nom, rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Dieu de lumière élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Par quel amour les chemins de ton cœur ont su trouver nos prières? Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel, reçois l'adoration. Seigneur, élève ta voix, commence à dire merci à Dieu, le Créateur, celui qui établit toute autorité. Oui, c'est lui, le Dieu souverain, qui règne dans les cieux et sur la terre. Il mérite la gloire, la louange. Bénis son saint nom. Seigneur, tu mérites la louange et la gloire, toi le Dieu qui nous a rachetés au prix de ton sang. Nous te bénissons, ô Jésus, toi qui nous as non seulement rachetés, mais incorporés dans la famille des enfants de Dieu. Oh, nous te bénissons pour cela, nous te glorifions, toi notre Dieu, notre Père, notre Seigneur, le Seigneur des gloires, le Seigneur des seigneurs, toi le Dieu qui nous a aimés d'un amour éternel et qui nous a conservé ta faveur. Oh, sois élevé, notre Dieu. Nous bénissons ton nom et nous t'élevons en ce moment. Toi, le seul capable de nous aider à être honnête dans tout ce que nous faisons et à marcher dans la crainte de ton nom. Sois magnifié, Jésus. Toi qui nous aides à aimer et à aider les autres comme tu l'as fait. Père, merci de déposer dans nos cœurs l'amour pour les autres et l'amour pour toi. Et merci de nous aider à te glorifier jour après jour et moment après moment. Glorifie-toi, ô Seigneur, dans nos vies, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous rappelons que nous sommes à l'émission OSB, Opération sur la brèche. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site web www.radiofréquentevie.com. Le texte du jour, c'est Juges chapitre 9, 1 à 6. Nous venons de voir les trois erreurs que nous devrions éviter, surtout en tant que leader. Première erreur, évitons de nous servir du tribalisme, de la fibre ethnique pour chercher à régner. Nous allons prier aujourd'hui dans notre société. Il y a beaucoup de gens qui ne regardent pas aux compétences. Beaucoup de gens jouent sur la fibre ethnique. Et c'est un mal qui ronge notre société aujourd'hui. Même dans nos églises, il y a des gens qui utilisent la fibre ethnique, la fibre régionalisme, la xénophobie pour être maintenu au pouvoir ou bien chercher à être élu. Nous allons prier pour que Dieu nous délivre de ces choses et que cet esprit soit extirpé du milieu de notre société et particulièrement en Afrique, au nom de Jésus. Éternel Dieu, ce matin nous te rendons grâce et nous te bénissons pour tous tes hauts faits. Nous te rendons grâce et nous te bénissons pour toutes les grandes réalisations dans nos vies. Nous te rendons grâce et nous te bénissons parce que nous reconnaissons que tu es le Dieu créateur de toutes choses. C'est toi qui as créé les cieux, c'est toi qui as créé la terre. Ce matin, nous nous tournons vers toi, ô Père éternel, et nous demandons que tu nous équipes. Nous demandons, ô Père éternel, que tu nous donnes la sagesse, que tu nous donnes le discernement pour les différentes nominations dans nos églises. Nous prions au Père dans le nom de Jésus-Christ et nous demandons que tout esprit de tribalisme, tout esprit de régionalisme soit extirpé de notre sein, soit extirpé du sein de nos différentes communautés, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous demandons, Père, que les nominations aux postes, les opportunités, les élévations soient faites sur la base des compétences, soient faites sur la base de la consécration, de l'engagement, dans le nom de Jésus-Christ. Que tout esprit de régionalisme, tout esprit de favoritisme au sein de nos différentes communautés soit lié au nom de Jésus-Christ. Nous prions au Père éternel et nous demandons que cet esprit qui était en toi, cette sagesse qui était en toi et qui a fait que tu passes plus de 2 ans avec des disciples sans aucune marque de favoritisme, que ce même esprit nous habite au nom de Jésus-Christ. Tu nous as appelés pour te servir, tu nous as appelés pour être des modèles et nous voulons, ô Père éternel, que ces modèles soient véritablement vus au sein de nos différentes communautés. Que ton nom soit béni et glorifié pour cette grâce que tu nous donnes. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous venons de voir aussi notre erreur sur les mauvais usages de l'argent. Abimélec a utilisé l'argent qu'on lui a donné pour acheter les misérables, les turbulents. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui utilisent l'argent pour corrompre. Il y a des gens qui utilisent l'argent pour commettre la prostitution, pour des mauvais usages. Nous allons prier le Seigneur pour qu'il nous purifie, qu'il nous pardonne, afin que tous ceux qui gagnent de l'argent et que lorsque Dieu nous bénit, nous puissions utiliser cet argent pour sa gloire et non pas pour des fins inavouées, pour assouvir nos intérêts égoïstes. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Dieu de sainteté, Dieu de pureté, Dieu d'amour, Dieu qui sait tout, qui voit tout et qui connaît tout, rien ne te surprend. Ce matin, nous sommes dans la joie pour lever la voix vers toi, pour te dire merci pour la vie, pour te louer pour ta fidélité, ta grandeur, t'adorer parce que tu es le roi des rois, tu es le Seigneur, tu es le Dieu véritable. Ce matin, il y a un constat dans nos milieux, dans nos églises, dans tous nos pays, surtout dans nos églises. La corruption corrompt les gens, soudoie les gens, ferme la bouche des gens. Seigneur, sois pour la prostitution, pour détourner les femmes des autres, chercher les petites filles dans nos églises. Notre Dieu, notre Père, notre Seigneur, nous te supplions, quelquefois même la dîme que les gens donnent, l'argent que les gens donnent pour bâtir la maison de Dieu, pour évangéliser. Mais Seigneur, nous venons à toi pour te supplier, pour t'implorer, pour crier vers toi, parce que nous sommes des pécheurs. Nous nous détournons de ta voix. Nous nous soumettons à toi et nous crions de nous blanchir, de nous laver au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous venons de voir aussi l'autre erreur, c'est de commettre le meurtre. Oh bien-aimés, prions. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de meurtres, des assassinats dans notre société, dans des pays, dans le monde. Il y a toujours des gens qui sont prêts à tuer les autres, à éliminer les autres. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit « Tu ne tueras point ». Prions pour que Dieu nous délivre de cet esprit de meurtre, de cet esprit de haine, de jalousie qui mine nos églises, qui mine notre société. Au nom de Jésus-Christ. La force dans la prière. Opération sur la brèche. La force dans la prière. Oh Esprit. Opération sur la brèche. La force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche. La force dans la prière. Oh Esprit. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Seigneur notre Dieu, nous bénissons ton nom, nous glorifions ton nom. Nous exaltons le nom de Jésus qui nous a libérés, qui nous a délivrés de toutes nos frayeurs. C'est ce nom qui nous a donné le pouvoir aujourd'hui. C'est ce nom qui nous a donné la joie de vivre. C'est par ce nom que nous sommes passés de la mort à la vie. Père, ce matin, nous venons à toi par le nom de Jésus. Parce que parmi nous, beaucoup ont des idées de construction pour l'œuvre, pour participer à la grandeur, à la bénédiction. Beaucoup usent, oh Dieu, de leur connaissance, de leur vie, pour pouvoir aider les autres. Mais il y a des méchants animés par la sorcellerie, par les esprits démoniaques qui attaquent pour pouvoir abréger les vies, pour pouvoir anéantir des destinées. Ce matin, que tout esprit de tuerie, de la sorcellerie, des méchants contre la vie de nos frères soit arrêté au nom de Jésus-Christ. Que tout esprit de jalousie, tout esprit de méchanceté, tout esprit de haine, de mépris soit brisé au nom de Jésus-Christ. Que tous ceux qui se lèvent injustement contre tes enfants reçoivent le tonnerre, le feu de Dieu dans leurs actions. Et qu'ils abandonnent leurs œuvres. Merci, toi le Dieu qui garde et qui protège. Toi le Dieu qui sécurise. Merci de veiller sur tes enfants. Merci de combattre pour tes enfants. Et de bénir tes enfants au nom de Jésus. Amen. Amen. C'était OSB. Nous espérons vous retrouver demain à la même heure et à la même chaîne. Au revoir. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. La joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant.